بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 84 بعد 100. 184 question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى: عندما يسأل بعض الناس فيقال له أين الله، فيقول الله موجود في كل مكان أو في كل وجود، فهل جبتهم صحيحة على إطلاقها؟ Donc il a été interrogé à propos de certaines personnes qui, lorsqu'on leur demande où est Allah, elles disent Allah est présent en tout lieu ou Allah est présent en toute présence. Donc est-ce que cette réponse dans l'absolu est correcte? C'est une masala qui est importante dans la aqidah, par laquelle se distingue les gens de la sunnah, les gens de la bid'ah, et voire même des gens du kufr. فأجاب رحمه الله تعالى هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا تقييدها. فإذا سئل أين الله فليقول في السماء، كما أجابت بذلك المرأة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء. Donc elle a dit, c'est une réponse qui est complètement fausse, qu'elle soit dans l'absolu ou qu'elle soit conditionnée en détail. Il n'y a pas à dire cela. Mais si une personne est interrogée où est Allah, alors qu'il répond aux cieux. Et quand on dit aux cieux, on veut dire au-dessus des cieux. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Car le la fi en arabe veut dire yani marna dans le sens de ala, fouq. Donc aux cieux, comme l'a répondu cette femme, c'est-à-dire cette jeune servante, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interrogé où est Allah, et qu'elle a dit aux cieux. أما من قال موجود فقط فهذا حيدة عن الجواب ومراعاة منه. Quant à celui qui dit que Allah est présent, c'est tout, sans dire où. D'accord? Alors cela est une forme de tricherie de sa part. أما من قال إن الله في كل مكان وأراد بذاته فهذا كفر لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص بل الأدلة السمعية والعقلية والفطرية من الله تعالى عالي على كل شيء وأنه فوق السماوات مستوين على عرشه. Quand il y a quelqu'un qui te dirait que Allah est partout en tout lieu, alors là c'est une question, c'est une réponse, c'est-à-dire qu'il est présent en tout lieu par son essence, par lui-même, cela est de la mécréance, cette réponse-là. Et cela car cela dément ce que indiquent les textes ainsi que la raison et ainsi que la nature saine. Cela s'oppose à tout cela. D'accord? Alors que Allah Azza wa Jal est au-dessus de toute chose, au-dessus des cieux, voyez, au-dessus de son trône. Et les adillas suivent sont claires. Quant au adillas, wa ma'akum aynama kuntum, et qu'il est avec vous où vous soyez, tous ces adillas dans ce sens-là, c'est pour dire qu'Allah est avec nous par son ilm, par son savoir, qu'il voit tout, il entend tout, il sait tout. Et cela. Quant à lui, dans son essence même, Allah Azza wa Jal n'est pas dans sa création. Ce n'est pas possible. D'accord? Allah est au-dessus des cieux, au-dessus du trône. Et là-dessus, les adillas sont claires. نعم. ثم في السؤال 85 بعد 100 185 question. سئل الشيخ رحمه الله تعالى ما حكم الثناء الإنسان على الله تعالى بهذه العبارة بيده الخير والشر. Donc, qu'en est-il de faire l'éloge d'Allah Azza wa Jal en disant que Allah dans sa main est le bien et le mal? Que on fasse l'éloge d'Allah en disant que Allah dans sa main est le bien et le mal, c'est-à-dire que Allah a le contrôle de tout. فأجاب رحمه الله تعالى أفضل ما يثنى به العبد على ربه هو ما أثنى عليه سبحانه وتعالى على نفسه أو أثنى به عليه أعلم الناس به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. Donc il a dit la meilleure façon de faire l'éloge d'Allah Azza wa Jal, c'est de le faire comme lui l'a fait pour lui-même ou comme l'a fait le meilleur de ses envoyés, le plus savant des hommes à son sujet, qui est Muhammad عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل لم يثني على نفسه وهو يتحدث عن عموم ملكه وتمام سلطانه وتصرفه بأن بيده الشر. Donc Allah Azza wa Jal, lorsqu'il s'est fait son propre éloge et qu'il parle justement de sa royauté dans son ensemble et de la perfection de son autorité, de son contrôle, n'a jamais dit que le mal est dans sa main. كما في قول الله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Ô Allah, le roi des rois, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu la retires à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu la retires de qui tu veux. Et que le bien est dans ta main et tu es certes omnipotent. Al-Imran, la famille d'Imran, verset 26. فأثنى سبحانه ولا نفسه بأن بيده الخير في هذا المقام الذي قد يكون شرا بالنسبة لمحله وهو الإنسان المقدر عليه الذل لكنه خير بالنسبة لفعل الله المصدر لصدوره عن حكمة بالغة ولذلك أعقبه بقوله بيدك الخير. Donc il a dit, Allah Azza wa Jal a fait son éloge en disant que dans sa main se trouve le bien. D'accord ? Et quant au mal qu'on pourrait trouver, cela est une chose qui est relative par rapport à l'être humain. Parce que Allah Azza wa Jal lui aurait prédestiné que lui se ressentirait comme étant un mal. Cependant, comparé à l'acte d'Allah Azza wa Jal, cela ne sera qu'un bien. Qui n'aura émané que d'une sagesse, une sagesse intense, une sagesse parfaite. C'est pour ça que là dans le verset, il dit dans le sens, et le bien est dans ta main. بيديك الخير وهكذا كل ما يقدر الله من شرور في مخلوقاته هي شرور بالنسبة لمحلها أما بالنسبة لفعل الله تعالى فإيجاده فيه خير لصدورها عن حكمة بالغة. Donc il a dit que tout ce que Allah عز وجل va prédestiner comme mal qui toucherait ses créatures, cela est un mal que par rapport à eux, dans leur vision à eux, dans ce qu'ils ressentent eux. Cependant, par rapport à l'acte d'Allah, d'accord, cela n'est qu'un bien. Et n'émane que d'une sagesse parfaite, comme nous l'avons dit. فَهُنَاكْ فَرْكُنْ بَيْنَ فِيَ لِلَّهِ تَعَالَى الَّذِي وَفِعْلُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ وَبَيْنَ مَفْعُولَاتِهِ وَمُخْلُقَاتِهِ الْبَائِنَ عَنْهُ فَفِيَ الْخَيْرُ وَالشَّرُ. Donc il y a une différence entre l'acte d'Allah en lui-même, ce que lui fait lui-même, son acte à lui, n'est que du bien, complètement. Et comparé également aux choses qui se déroulent par rapport à sa création. Car il y a du mal qui se déroule au sein de sa créature. Cependant, ce mal-là émane de qui ? Émane de la créature. D'accord ? Car la créature peut apporter du bien et elle peut apporter du mal. Mais ce mal que Allah Azza wa Jal aura prédestiné, en réalité, recouvre un bien général. Il peut être un mal pour une personne à ses yeux, et être en réalité un bien. Par exemple, quelqu'un lui arrive quelque chose, un accident de voiture, masalan, il va voir comme étant un mal. Il perd un bras, il perd une jambe ou autre. Il se peut que Allah Azza wa Jal, par cet accident, ait voulu pour lui un rappel. Ou lui expier des fautes, l'éprouver pour lui montrer sa foi. Donc derrière, il y a un khayr en réalité. D'accord ? Ou la maladie, ou la pauvreté, ou la mort d'un proche. Plein de hadiths sont venus pour dire qu'il faut faire la preuve de irtiseb, chercher la récompense, et que la personne qui affronte ce genre de choses, elle est élevée en degré. Et si jamais c'est un châtiment pour un mal commis, cela peut permettre à la personne de revenir à la raison et de se repentir, et ce sera un bien pour elle. Ou alors ça peut être un dua, une invocation faite par quelqu'un pour un mal qu'il aurait subi par cette personne-là. Donc en même temps, ce sera un moyen d'attirer l'attention du zalim, de l'injuste, pour qu'il se repente et qu'il se remette en question. Donc il y a un bien derrière, quoi qu'il en soit. Qu'on le s'en rende compte ou pas, il y a un bien derrière. ويزيد الأمر وضوحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه تبارك وتعالى بأن الخير بيده ونفى نسبة الشر إليه كما في حديث علي رضي الله عنه الذي رواه مسلم وغيره مطولا. Donc il a dit, et ce qui rajoute encore plus de clarté à la chose, c'est que le Nabi صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il a fait l'éloge de son Seigneur, il a dit que le bien est dans sa main et il a récusé le fait qu'il ait du mal, que le mal ne lui soit attribué, comme dans le hadith de Ali rapporté par l'imam Muslim. D'accord. La partie qui nous intéresse, que le hadith il est long. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام في الصلاة وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض إلى أن قال لبيك وسعيدك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. Il a dit quoi, le Nabi صلى الله عليه وسلم, que je te réponds et que le bien entièrement est dans ta main et que le mal ne te revient pas. Donc, Allah Azza wa Jal, ce qu'il fait pour nous, ce n'est jamais un mal. D'accord ? Mais nous, à notre niveau, cela peut l'être. Dans notre conception de la chose. Naam. فَنَفَى صَلَى اللَّهُ سَلَامَ أَنْ يَكُونَ شَرْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِيَنَّ أَفْعَالَهُ وَإِنْ كَانَتْ شَرًا بِنِسْبَةِ لِمَحَالِهَا وَمَنْ قَامَتْ بِهِ فَلَيْسَتْ شَرًا بِنِسْبَةِ إِلَيْهِ تَعَالَى لِصُدُورِهَا عَنْ حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ تَتَضَمَّنُ الْخَيْرَ. Donc il a dit, même si on sait que le mal est une chose que Allah il a créée, car il n'y a qu'un seul créateur, donc si le mal existe, c'est forcément c'est Allah qui l'a créé, Mais ce mal-là, on ne l'attribue pas dans le sens que Allah, il a voulu un mal. D'accord? Cela, c'est juste un mal, comme on l'a expliqué, dans notre vision restreinte à nous, par rapport à ce que nous, on subit. طيب قال وبهذا تبين أن الأولى بل الأوجب في ثناء على الله أن نقتصر على ما أثنى به عليه نفسه وأثنى عليه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه تعالى أعلم بنفسه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق به فنقول بيدي الخير ونقتصر على ذلك كما هو في القرآن الكريم والسنة. Donc le meilleur c'est de se restreindre à dire que ou plutôt ce qui est obligatoire, c'est de faire l'éloge d'Allah, comme les a fait lui-même à son propre sujet, ou comme l'a fait son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme cela est venu dans la sunna dans le Coran. Et que dans le Coran, Allah a bien dit que le bien est dans sa main, sans citer le mal. Naam. Azal lazi akhazna liyum min hazen su'alayn, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilayk.